Chapitre 7e. Une fois enfermé dans sa chambre, Antoinette éclata en sanglots. Il y avait dans l'explosion de sa douleur un mélange singulier de sentiments contraires, rancune et repentir, honte et dépit. La colère y grondait, unie aux larmes, comme dans ces orages violents, où la pluie est mêlée à des éclats de tonnerre. Elle était désolée d'avoir poussé les choses à cette extrémité, mais au fond, sa nature emportée s'irritait sourdement et s'insurgeait encore. Tout ce qui venait de se passer lui semblait un mauvais rêve. Elle ne pouvait pas croire que Jacques eût la cruauté de mettre ses menaces à exécution. « Il m'aime trop, » pensa-t-elle, « et reviendra le premier. » Les moindres bruits la faisaient tressaillir. Elle alla s'accouder à sa fenêtre. Le soleil se couchait dans une brume pluvieuse. Le vent inclinait brusquement les cimes échevelées des arbres du jardin. « Il va venir, » disait-il. « Il est impossible qu'il ne vienne pas. » Mais la maison restait muette. La nuit tomba, les lumières du bourg commencèrent à scintiller dans la pluie. Vers 10 heures, Antoinette entendit M. de Lille qui rentrait. Il était de fort maussade d'humeur et se plaignait très haut de M. Duhou qui lui avait laissé faire le pied de grue chez le notaire. Peu à peu les éclats de voix s'apaisèrent, Céline ferma les fenêtres et le silence régna dans la maison. La jeune fille sentit en elle un cruel déchirement. Le désespoir la prit et ses larmes jaillirent de nouveau. Elle passa la nuit sans dormir. Tandis que le vent se lamentait et semblait pleurer sur son bonheur agonisant, tous les souvenirs de ces derniers 6 mois revinrent en foule à son esprit, et ces images du passé lui firent sentir plus cruellement encore combien Jacques tenait de place dans sa vie, quelle racine profonde un pareil amour avait jeté dans son cœur. Sa souffrance était d'autant plus aiguë qu'elle n'avait pas l'habitude de souffrir. Pour la première fois, sa volonté passionnée se heurtait contre un obstacle terrible et retombait brisée. Quand le jour parut, elle pensa que Jacques, afin de rendre la leçon plus forte, avait peut-être attendu le matin pour revenir. Elle voulait espérer jusqu'au bout. Il lui répugnait de subir les récriminations de son père. Elle fit dire qu'elle était indisposée et désirait dormir. Puis son attente recommença avec les mêmes alternatives d'angoisse et de désespoir. Enfin, n'y tenant plus, elle mit de côté un reste d'orgueil et écrivit à Jacques. Sa lettre, tracée à la hâte, contenait tout son cœur, tout son amour. Elle s'humiliait, elle s'accusait et suppliait. « Pardonnez-moi, » écrivait-elle, « j'ai eu tort et j'en suis punie. Je souffre. Vous qui êtes fort, soyez bon et revenez vers votre Ondine qui se meurt de chagrin loin de vous. » Céline courut elle-même porter ce billet à l'auberge de Pitoiset. « Monsieur Jacques Duhou, lui dit la femme de l'aubergiste, est parti cette nuit. Il a dû recevoir de mauvaises nouvelles car il semblait tout bouleversé. Et en passant près de sa chambre, je l'ai très certainement entendu pleurer. Au moment de monter en voiture, il était pâle comme un linge et si troublé qu'il a oublié de nous donner son adresse. Céline, désespérée, supposa qu'il était retourné dans sa famille. À la hâte, elle ajouta sur l'enveloppe l'adresse de Jacques à elle et prit le parti de jeter la lettre à la poste. « Il la recevra demain, » pensait-elle, « et pourra y répondre par un télégramme. D'ici là, je cacherai son départ à Antoinette. » Et ainsi la petite lettre, contenant dans ses plis toutes les espérances et toute la destinée de la pauvre Ondine, s'en alla de main en main jusqu'au wagon de l'express qui l'emporta vers M. Toute la nuit, elle courut à travers champs, plaines et forêts, tantôt cahotée par l'appâtage du courrier, tantôt entraînée par la locomotive haletante. À elle, on ne savait rien du départ de Jacques et on renvoya la lettre à Aubrive, où un matin le facteur la déposa toute humide sur le dressoir de l'auberge. Cette fois, Madame Pitoiset, sans plus de cérémonie, se contenta de classer le billet d'Antoinette parmi les paquets administratifs entassés sur la table du garde général. La petite lettre y dormit, oubliée, tandis que dans la maison des Corderies, Antoinette attendait et se mourait d'angoisse. Évonime, en apprenant le brusque départ de son amie, avait été pris de remords et n'avait pas voulu rester avec un pareil poids sur la conscience. Il se sentait responsable de ce triste dénouement. Il accourut aux Corderies, tout contrit et disposé à essuyer, en guise de pénitence, les plus cruelles rebuffades d'Antoinette. Mais ses craintes furent vaines. Elle lui tendit une main glacée. Un sourire amer voltigea un instant sur ses lèvres pâlies, et ce fut tout. Elle semblait à peine s'apercevoir de sa présence au logis. Tout autre fut l'accueil de M. de Lille. Il avait autrefois caressé le rêve de Marie-Antoinette à Évonime, et la fuite de Jacques Duhou venait d'évoquer de nouveau ce rêve un moment évanoui. Ormancet fut reçu par lui comme un sauveur et choyé en conséquence. M. Delisle remerciait tout haut le ciel de l'avoir préservé d'un gendre aussi maussade que ce chavarin de forestier. Sa fille avait mieux que cela sous la main, et il ne lui coûterait que de se baisser pour ramasser. Il le répétait à qui voulait l'entendre, et ne se faisait aucun scrupule d'en parler devant la jeune fille. Antoinette écoutait d'un air indifférent ce bourdonnement de paroles inutiles. Elle avait consacré toutes ses facultés dans l'attente, et son âme était suspendue à une dernière espérance, la réponse de Jacques à sa lettre. Il lui semblait impossible qu'il la lût et ne répondît pas. Quand il verrait ces lignes si humbles, si pénétrées de douleur et de passion, il se laisserait fléchir et reviendrait. Au moment où elle y penserait le moins, elle entendrait un bruit de pas, et en se retournant, elle l'apercevrait soudain, émue et pâle, comme le soir, où dans le salon encombré de caisses et de paquets, il lui avait si brusquement déclaré son amour. Souvent, en se promenant dans le jardin, elle se disait « Je vais peut-être le voir au détour de l'allée ». Parfois même, il lui semblait qu'une voix bien connue murmurait derrière elle « Antoinette ». Elle se retournait alors toute frissonnante et la déception qu'elle éprouvait lui donnait un coup au cœur. C'était surtout à l'heure de la tournée du piéton que son angoisse devenait plus poignante. Elle guettait l'homme de la poste chaque matin derrière la grille de la cour. La lettre tant attendue arriva enfin. Hélas, c'était la fin de toutes ses anxiétés et aussi de toutes ses espérances. Elle déplia fiévreusement le billet de Jacques, puis chancela et fut un moment obligée de s'appuyer à la grille. Les lignes courtes et régulières étaient tracées d'une main ferme et de cette écriture large et nette qu'elle avait tant aimée. Le billet ne portait aucune indication de date ni de lieu, et voici tout ce qu'il contenait. « Mademoiselle, la dernière conversation que nous avons eue m'a convaincu que ma présence vous était à charge et que vous désiriez reprendre votre liberté. Je n'ai pas voulu vous importuner plus longtemps et je me suis éloigné. Vous êtes libre. J'écris à M. Delisle pour dégager ma parole. Je ne demande plus que du silence et de l'oubli. Jacques Duhaut. » Voilà donc toute la réponse qu'il faisait à cette lettre si aimante où Antoinette s'était mise si tendrement à ses pieds. Il était parti. Il était retourné sans doute à elle, dans sa famille, près de cette jeune fille qu'on voulait lui faire épouser. Elle se redressa sous le coup sanglant de cet abandon. Elle alla trouver M. Delisle, qui fumait dans la cuisine, posa le billet ouvert devant lui, et remonta dans sa chambre sans prononcer un mot. On eût dit qu'une révolution s'était faite en elle. Toutes les idées de mansuétude, de contrition et d'humilité avaient été emportées par un souffle de colère. L'Ondine fantasque et violente reparaissait tout entière avec son orgueil, ses rébellions et ses orages. Elle courut au coffret où elle serrait les lettres de Jacques et tous les frêles souvenirs qui se rattachaient à sa passion. Les bouquets cueillis dans les bois, le ruban bleu qui nouait ses cheveux le jour où elle avait reçu son premier baiser, le livre qu'ils avaient lu ensemble dans le petit jardin. Elle versa tout le contenu dans l'âtre et mit le feu, puis avec une joie amère, elle regarda flamber ses reliques d'amour. Quand une bourrasque agite jusqu'au fond les eaux d'un étang, on voit le sable et le limon, brusquement soulevés, rouler à la surface des débris de plantes mortes et des insectes étranges qui semblaient enfouis à jamais dans les profondeurs. Ainsi l'orage déchaîné dans le cœur d'Antoinette avait réveillé les sentiments de perversité qui sommeillent au fond de toute nature humaine. Les violences du sang paternel, transmises comme un héritage et mal comprimées par une éducation imprévoyante, les instincts cruels de l'enfant gâté et volontaire, les germes de méchanceté qui fermentent dans l'âme la plus généreuse, comme le poison dans la fleur la plus charmante, tous ces éléments de révolte avaient été secoués par cette tempête, et sous leurs vagues, troublées par les meilleures qualités d'Antoinette, avaient disparu submergées. Sa vive sensibilité, son esprit courageux et fier, ses aspirations élevées, tout avait sombré dans ce tourbillon. Un seul sentiment surnageait, la colère. Un seul désir, la vengeance. Elle voulait se venger de sa tendresse méprisée, de sa fierté humiliée, de son amour foulé aux pieds. Elle voulait qu'on lui payât chèrement ses heures d'angoisse, ses nuits de larmes, ses journées d'attente et de fièvre. Il lui faisait des représailles sanglantes, mortelles. Sa vengeance, elle la demandait à tout prix, dût-elle briser son propre cœur. Immobile comme une statue au milieu de sa chambre, elle cherchait des raffinements de cruauté pour mieux torturer celui qui venait de lui faire cette blessure. Elle se creusait la tête pour trouver quel serait le châtiment le plus terrible, le moyen le plus prompt de l'infliger, l'instrument le plus commode et le plus maniable pour frapper le coup. C'est en proie à cette colère impitoyable qu'elle descendit au salon. Au moment d'entrer, Elle aperçut dans la cour Évonime, qui cheminait nonchalamment et d'un air béatement rêveur. À la vue du romancier, Antoinette s'arrêta un moment sur le seuil. Une flamme traversa ses regards comme un éclair. Un sarcastique sourire glissa sur ses lèvres. Puis elle attendit résolument le jeune homme qui avait relevé la tête et pressé le pas. Évonime lui serra les mains d'un air de compassion affectueuse. Elle répondit à cette démonstration par une nerveuse étreinte, puis ils pénétrèrent ensemble dans l'appartement, et la jeune fille alla s'asseoir près du piano en jetant un regard oblique sur son compagnon, qui, d'un air embarrassé, cherchait une entrée en matière. Il aurait voulu dire quelques paroles réconfortantes et bien en situation, mais il ne trouvait rien d'assez délicat pour panser la blessure d'Antoinette sans la faire saigner de nouveau. Pour rompre un silence qui devenait gênant, il se rabattit sur des banalités, parla du temps pluvieux et de l'automne qui s'avançait. « Les arbres ont jauni de bonne heure, » dit-il en montrant les feuilles mortes qui se détachaient lentement des noisetiers, et venaient frôler les vitres avec un bruit d'ailes de papillon. « Oui, » fit machinalement Antoinette. Elle ferma les yeux et revit comme dans un rêve l'étang de la Tuilière, baigné par le clair de lune, les joncs frissonnants, le courant doucement poussé vers les touffes de trèfles d'eau, puis la ceinture des bois profonds à travers lesquels soupirait une lointaine musique de bal. Elle secoua la tête pour chasser cette vision et s'adressant brusquement à Ormancé. « Évonime, commença-t-elle d'une voix vibrante, vous avez souvent agi avec moi comme si vous m'aimiez. M'aimez-vous encore ?» Évonime tressaillit, puis rougit. « Ma chère enfant, répondit-il, j'espère que vous ne me faites pas l'injure de douter ni de mon affection, ni de mon dévouement. M'aimez-vous encore ?» continua Antoinette sans le regarder, non pas seulement comme un ami, mais comme un amoureux. Évonime sentit une chaleur soudaine lui parcourir tout le corps et lui serrer la gorge. Il apercevait clairement la pente où on le poussait, et clairement aussi, il reconnaissait l'impossibilité de se raccrocher aux branches. « Mon cœur n'a pas changé, » répliqua-t-il d'une façon laconique. « Évonime, voulez-vous m'épouser ?» Elle était blanche et froide comme un marbre, et le son de sa propre voix l'épouvantait. « Moi ?» s'écria-t-il. Il y avait dans cette seule exclamation toute une gamme de sensations différentes, de la joie un peu, du saisissement et de la peur beaucoup. « Oui, » répétait Antoinette, « voulez-vous de moi pour votre femme ?»« Bonté du ciel !» murmura-t-il, la mine confuse et les yeux grands ouverts. « Vous avez songé à moi ?»« J'avais parfois entrevu ce bonheur-là dans un rêve. » Mais je n'avais jamais espéré qu'il se réaliserait. Excusez-moi, j'en suis encore tout ébloui. Mon pauvre enfant, vous ne savez pas quel triste mari vous prendrez. Je suis pétri de défauts. Elle eut un sourire amer. Et moi, me croyez-vous donc un ange? Je vous crois une fée, répondit-il avec conviction. Allons, continua-t-il avec l'accent d'un homme qui se lance, les yeux fermés, dans l'inconnu. Puisque vous pensez que je puis vous rendre heureuse, « Donnez-moi votre main. Vous serez ma femme, et je serai votre esclave. Merci, chère, chère Antoinette. » Il voulut déposer un baiser sur les doigts glacés de la jeune fille, mais elle retira rapidement sa main et poursuivit d'une voix saccadée. « Bien, maintenant, allez trouver mon père, et faites-lui part de notre résolution. Arrangez tout pour que cela se termine promptement. Nous voici au 1er octobre, je veux que nous soyons mariés avant la fin du mois. » Évonime obéit et encore tout abasourdi, courut à la recherche de M. de Lille. Ce dernier le reçut à bras ouverts, lui répétant qu'il était le gendre de ses rêves et que ce mariage était la joie de ses vieux jours. Il fut convenu que, sans tarder, on s'occuperait de tous les préparatifs. « Eh bien, m'y voilà donc au mariage, » se dit Ormancé, en s'en revenant tout songeur au bal clavin. « Je touche du pied la lisière de la forêt magique dont l'on ne peut plus sortir. » Je n'aurai plus de regrets mélancoliques en regardant passer une noce. La vue de deux ou trois marmots jouant sur le pas d'une porte ne me mettra plus au cœur un sentiment de tristesse et d'envie. J'aurai une femme et des enfants à moi, des enfants qui nous ressembleront à nous deux. Pourquoi ne suis-je pas plus triomphant? D'où vient que je sens, moi, un fond de trouble et de terreur? Hélas, le pauvre garçon n'aimait guère le mariage qu'en rêve, et il aurait voulu y rêver éternellement. L'obligation de sortir des irrésolutions où se complaisait son esprit flottant le plongeait dans un étrange embarras. Pour se donner du courage, il se disait qu'il n'y avait plus à reculer. Il s'était montré fort épris d'Antoinette, alors qu'elle était engagée à un autre. Pouvait-il rompre et se dérober, maintenant qu'elle était libre? D'ailleurs, n'était-il pas responsable de ce qui était arrivé? Ne devait-il pas, à la jeune fille, une sorte de dédommagement moral? Répondre par un refus, c'eût été se conduire en malhonnête homme et en faux ami. Après tout, se disait-il, suis-je donc à plaindre de prendre une jolie femme qui a du goût pour moi et qui me fera honneur? Évonime, mon camarade, n'aie point l'air d'un sot et redresse la tête. Tu es un heureux coquin. En rentrant aux Corderies, M. Delisle, enchanté, avait pris sa fille par la taille et l'avait embrassée à deux ou trois reprises. Eh bien, mademoiselle, s'était-il écrié de sa grosse voix, nous avons donc changé d'amoureux. Bah, je t'en félicite. Tu n'as point perdu au change et au moment c'est un autre coq que ton forestier. Il m'a toujours déplu, ce chevalier de la triste figure. Il se mit aussitôt à pousser les formalités préalables au mariage avec une hâte joyeuse. Antoinette se renfermait dans une impassible indifférence. Évonime avait commencé une cour en règle. Il avait définitivement renoncé à sa pipe, il soignait sa toilette, il apportait chaque jour de magnifiques bouquets qu'il faisait venir de Dijon, et que Céline ne manquait pas de retrouver le lendemain, fanée et dédaigneusement jetée dans un coin. La jeune fille le recevait d'un air affectueux, mais sans se départir d'une réserve qu'on ne lui avait pas connue jusque-là. Elle évitait scrupuleusement toutes les occasions de tête-à-tête avec son fiancé. Une seule fois, il faisait si beau temps qu'elle se laissa toucher et consentit à sortir avec Évonime. Ils gagnèrent les bois qui dominent Aubrive, mais en entrant sous la futaie, Antoinette quitta le bras d'Ormancet. Elle marchait devant lui, dans l'étroit sentier, la tête basse, écoutant le bruit des feuilles sèches que soulevaient ses pieds. La conversation était languissante et coupée de longs silences pendant lesquels on entendait le bruit mat des glands mûrs qui tombaient sur la mousse. Tout à coup, Antoinette tressaillit et s'arrêta à l'entrée d'une longue tranchée de hêtres. Elle avait reconnu la gorge du Val de Germaine où elle avait passé une après-midi avec Jacques pendant la fenaison. « Retournons, » dit-elle avec un frissonnement nerveux, « il fait froid et je suis lasse. » Ils reprirent silencieusement le chemin du village et à la lisière du bois, Évonime crut s'apercevoir qu'Antoinette avait les yeux pleins de larmes. « C'est étrange, » pensa-t-il, un peu déconfit. « J'ai beau faire, » mes fiançailles ont les allures funèbres d'un enterrement de première classe. Cependant, les semaines se succédaient, les publications avaient eu lieu et le trousseau allait être prêt. Évonime devait passer 8 jours à Paris pour terminer quelques affaires et acheter la corbeille. Il était convenu que le mariage se ferait aussitôt après son retour. Un matin, M. Delisle le conduisit jusqu'à la voiture de Langres et lui souhaitant bon voyage et prompt retour, le quitta pour aller surveiller ses semailles. Au moment où le jeune homme allait s'élancer dans la patache, il se sentit retenu par le pan de son habit et se retournant, il aperçut Céline derrière lui. « Hein ? Qu'y a-t-il ? » demanda Ormancet en voyant la figure effarée de la servante. « Est-il arrivé quelque chose à Antoinette ?»« Non, » répondit Céline d'un air sombre, « pas encore. » Et le tirant à l'écart, « Tenez, » continua-t-elle, « il faut que je vous parle puisque personne n'a le courage de vous dire la vérité. Croyez-moi, restez à Paris. » Et ne revenez jamais ici. Pour l'amour de Dieu, ma brave fille, qu'y a-t-il ? Répéta Évonime ahuri. Il y a qu'Antoinette ne vous aime pas, et que si vous vous entêtez à l'épouser, ce n'est pas un habit de noces qu'il faudra lui préparer, ce sera un drap de mort. Allons, en voiture ! Cria le conducteur en faisant claquer son fouet. Évonime monta haussant les épaules, et le courrier partit au grand trot.